Maxime est revenu! Il a pris une chambre à l'hôtel des grandes écoles, rue du Cardinal Lemoine. Faustienne s'empresse de les rejoindre afin de rattraper des semaines de frustration de caresses. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras pas. Depuis le temps, elle sait qu'une bonne nouvelle est toujours suivie d'une désillusion. Tu restes combien de temps? Je repars demain pour 2 jours, voir ma mère qui me réclame à cor et à cri. Et voilà, qu'est-ce que je vous avais dit. Mais je garde la chambre. Après, je tourne 3 semaines par ici. On a vendu 3 séminaires clés en main au CEA, Commissariat à l'énergie atomique, chez Alstom et chez Bouygues. Tu me verras pas beaucoup plus qu'une soirée de temps en temps si je ne joue pas. Toujours ça que l'ennemi n'aura pas. On va manger au volcan ce soir, il y a si longtemps. Bien sûr. Je dois refaire le plein d'énergie si je veux pouvoir te regarder en face. Enfin, façon de parler, j'ai des projets plus lubriques. Les semaines suivantes, côté boulot, seront plus calmes que les précédentes chez Ricardo Bofill. Quoique, du 1er au 10 décembre, Faustine s'ennuie à 100 sous l'heure chez Algoé SA. C'est une société qui joue au Monopoly avec les autres. Rachète, revend, administre et, comme toujours dans ces cas-là, les petites secrétaires se contentent de miettes de rapports et de courriers auxquels elles ne comprennent rien par défaut de vue d'ensemble. Pour seule distraction, le jeudi 10 décembre, les médecins font la grève. Ils descendent dans la rue revendiquant le maintien du secteur privé au sein de l'hôpital. On parle depuis des semaines du projet de loi sur les nationalisations qui passera ou pas le 18 et ils craignent sans doute d'y perdre un niveau de vie et liberté. Faustine retrouve dans la rue le même désordre et la même ambiance que plusieurs années auparavant, pendant les grèves des transports, avec cette solidarité incroyable entre des intervenants qui se battent pour faire triompher leurs idées. Le coq gaulois mérite bien sa réputation de chanter les deux pieds dans le fumier, et les Parisiens mieux que personne. Ah, si seulement ils pouvaient mieux se faire entendre. Ce n'est pas faute d'être courageux et d'arroser les pavés de leur sang, mais ici comme ailleurs, le pouvoir est écrasant. France, Guatemala, Russie, partout les besoins, les revendications populaires sont traités de la même manière. La démocratie, du sucre glace sur le gâteau des dictatures, c'est tout. Souffle! Du 11 au 14 décembre, Faustine travaille dans un bureau d'ingénierie. Chez Infraplan, elle tape d'interminables rapports sur des kilomètres de tuyaux et les coûts de remplissage de dalles en ciment. Ça lui fait penser à ce film dont elle a oublié le nom, où des mafieux coulent du béton sur un cadavre. Elle se demande combien de morts sont ainsi ajoutés aux dalles de ciment des fondations parisiennes. Elle sourit. Après tout, si les malfaiteurs se bouffent le nez et s'organisent pour ce genre de funérailles, c'est toujours ça d'économie de béton et de place en plus dans des cimetières qui débordent. Arrête ton char, Faustine, ton imagination te perdra. Le 14 au soir, à l'agence Manpower de la rue Littré, Sylvie interroge. Ça te dit de retourner dans la tour Montparnasse? Oh oui, j'adorerais ça. J'en garde un tellement bon souvenir. C'est une grosse boîte? C'est chez Coca-Cola, au 14e étage. Ce n'est pas aussi haut que l'autre fois, mais tu pourras toujours aller déjeuner sur la terrasse si tu veux prendre de la hauteur. Et le mardi 15 au matin, Faustine de s'annoncer à la réception de la célèbre enseigne. Il y a là un chef de bureau à l'abord sympathique, mais qui s'avère à mesure que la journée avance, une vraie peau de vache. Faustine l'entend sans arrêt houspiller les autres employés, les comptables et les responsables de secteur, dont certains ont plus de 50 ans et les cheveux déjà gris. Il menace de leur taper sur les doigts, de les renvoyer dans le ventre de leur mère, d'où ils n'auraient jamais dû sortir. Faustine est vraiment choquée. Elle ne s'attendait pas à une telle mentalité dans une entreprise aussi importante, supposée à la pointe du modernisme. On se croirait au Moyen-Âge et pas du tout dans une multinationale américaine telle qu'elle l'imaginait. Outrée, écœurée, après avoir entendu une engueulade particulièrement méchante et injuste, elle décide de tout faire pour qu'on la vire. Sylvie lui avait expliqué que si c'était l'employeur qui rompait le contrat, il devait payer sa facture, tandis que si c'était l'employé, c'était pour sa pomme à elle. Elle poursuit donc son travail à l'imperfection, laisse des blancs, des fautes dont les courriers ne respectent pas les consignes. Vers 16h45, le patron, furibard, s'approche d'elle, sa dernière lettre à la main. « Franchement, mademoiselle, vous travaillez comme une souillon. »« Désolée, mais c'est ainsi que j'ai appris. »« Je ne vous crois pas. Je sais qu'on forme les gens mieux que ça à l'école Piget. J'y suis passée aussi, je les connais bien. »« Piget ? Vous voulez rire ? Je n'ai pas eu la chance de naître avec une cuillère en argent dans le... »« Moi, même dans n'importe quel film noir, on vous montre qu'on utilise le 1 majuscule pour taper le L. » Si vous croyez que je peux me payer le cinéma avec ce que je gagne ici, c'en est trop de votre insolence. Vous allez me faire le plaisir de ramasser vos affaires et de débarrasser le plancher. Faustine regarde sa montre et rit de voir ce papy se prendre tellement au sérieux. Ouf, merci monsieur, il est 16h55. Adieu monsieur. Quelle est bonne cette bouffée d'air frais savourée sur le trottoir devant la célèbre tour. Faustine est un peu attristée pour ses collègues d'une journée, prisonnier à vie de ce tyran. Mais que faire? Comme on fait son lit, on se couche. Par contre, Sylvie, qu'elle retrouve le lendemain à l'heure du déjeuner, n'est pas très contente, même si elle a réussi à remplacer la rebelle sans perdre le client. Qu'est-ce qui s'est passé chez Coquin? Mais c'est un sadique, ce mec. On t'a jamais dit comment elle traite ses sous-fifres? Non, personne ne s'est plaint jusqu'à présent. Bah, c'est que personne n'a osé. Ou que ce sont tous des trouillards finis, parce que franchement, se laisser agonir d'insultes à longueur de journée, ça tient de la perversion et du masochisme. Plutôt crever que d'accepter ça. Ce n'est pas possible qu'un seul individu ait un tel pouvoir sur les autres. Ben voyons. S'ils se mettaient tous ensemble, je suis sûre qu'ils arriveraient à le faire virer. Peut-être qu'ils le connaissent mieux que toi, qu'il a des circonstances atténuantes, perdu sa femme, sa fille, ou je ne sais, moi. Tu n'es pas dans ses chaussures non plus. Non, pas d'après le peu que j'ai entendu. De toute façon, rien n'excuse le fait de se conduire d'une manière aussi dégueulasse. On n'a pas le droit. Droit ou pas, si personne ne réagit, je ne peux pas faire grand-chose. Tu as de la chance, je viens de recevoir une nouvelle demande. Je t'envoie chez Rank Xerox à la Défense, demain. C'est loin, mais pourquoi pas. Je ne connais pas la Défense, ça sera amusant. Comme pour le reste, pas plus d'une demi-heure en métro. Je crois même que tu peux prendre le RER A à la gare de Lyon. Parfait. Après, je rejoins mes parents pour fêter Noël. Ah, je croyais que vous étiez fâchés. Oui, moi, j'étais fâchée après le dernier couvage de ma chère maman. Mais tu sais ce que c'est. C'est difficile de complètement couper les ponts avec les vieux. Systématiquement, ma mère se débrouille pour me récupérer et je suis trop lâche pour lui claquer la porte au nez. J'ai l'impression que je ne fuirai jamais assez loin. La prochaine fois, j'espère rester aux USA assez longtemps pour que la relation s'épuise d'elle-même. Je n'ai pas le courage de prendre la responsabilité de la rupture. Je te comprends. La famille, c'est toujours difficile. J'ai les mêmes à la maison. On peut pas faire avec, on peut pas faire sans. Oui, tu as raison, ma Sylvie. Heureusement qu'il y a l'amitié et la solidarité féminine. Quoi qu'ils essayent de nous faire croire, quand il s'agit de rire et de se serrer les coudes, on s'entend bien mieux entre filles. Faustine appréciera les immeubles flambant neufs de la Défense. Le réseau express régional, en fonction depuis 1977, l'y amène depuis la gare de Lyon. Faustine, qui loge toujours à l'hôtel des grandes écoles, tant que Maxime est à Paris, descend par la rue du Cardinal Lemoine, traverse le jardin des plantes et le pont d'Austerlitz, et elle y est, au RER A. Direction Saint-Germain-en-Laye. Rank Xerox, créé en 1956, est le nom de la filiale européenne de Xerox X. Faustine saisit des bons de commande à longueur de journée. Elle fait la connaissance de commerciaux sympathiques, participe à toutes les fêtes données chaque fois que l'équipe de vente a casé une nouvelle bécane. Vu leur prix élevé, les commissions sont à la hauteur. Le temps passe vite, même si le travail n'est pas folichon. Le 18 décembre, Maxime descend à Cagnes. Faustine réintègre pendant quelques jours sa chambrette de la rue de Longchamp, en attendant les vacances de Noël. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.